calamité est là. Hé, mais qu'est-ce que t'as jeté par terre là? Quoi? Mais rien. Ramasse ça tout de suite, tu dois le mettre à la poubelle. Hein. Mais... Les éboueurs sont là, ah ah, les street fighters sont là. Mais c'est, les éboueurs sont là. Yeah, oh, les street fighters sont là. Il y a une frontière entre ton monde et le mien, là. Et super clean, le trait vraiment malsain. Les poubelles, c'est mes amis, mais toi t'es pas leur copain. Pas si gros, si que jamais rien. Et elles ont faim, ma très femme de ménage, elles bossent comme des gueutins. Si t'étais un peu plus sympa, tu leur filerais un coup de main. Sans les poubelles polyurman, tu serais moi le malin. Respecte les ordures et respire leur doux parfum. Les éboueurs sont là, ah ah, les street fighters sont là. Mais c'est, les éboueurs sont là. Yeah, oh. Respecter la tourne à mal à toi, surtout bien en deux sous tes bras. Mantèche-toi et ramasse que ta jeune et ta poche à l'IPA. Les colomates fait comme moi, nettoie ça. N'oublie pas de respecter la tourne à mal à toi, surtout bien en deux. On recycle pas le FIFA et cela me cœur. Y'a pas assez de poubelles et cela dans tous les secteurs. Les hommes c'est des dégueux et puis des salisseurs. Ceux qui disent le contraire ne sont que des pollueurs. Comment peut-on être fier de faire sentir avant l'heure des enfants et des femmes qui vivent dans les odeurs. Quand je sens tout ça, ça me fait mal au cœur. Tant qu'il sera pollueur, la vie ne sera pas meilleure. Il faut installer des poubelles dans tous les quartiers pour que les hommes, les salisseurs arrêtent enfin de polluer. Parce que les poubelles sont gentilles et il faut les respecter. Si tu veux vivre en harmonie, alors faut nettoyer. Les éboueurs sont là, ah ah, les street fighters sont là. Mais c'est, les éboueurs sont là. Yeah, oh, les street fighters sont là. Respecter la tourne à mal à toi, surtout bien en deux sous tes bras. Mantèche-toi et ramasse que ta jeune et ta poche à l'IPA. Mais colomane, fais comme moi, nettoie ça. N'oublie pas de respecter la tourne à mal à toi, surtout bien en deux sous tes bras. Mantèche-toi et ramasse que ta jeune.